Ceci était écrit sur un tableau dans une boulangerie de la Grand Rue. Quelle est la distance la plus courte entre deux personnes? Vous avez trouvé? C'est le sourire.